cherche pas la bagarre, je te préviens déjà, mes gars sont relous. Zéphécoro, ces négros sont faibles, ces négros sont des purs. Je n'ai aucune peine, aucune larme, c'est pour eux. Une rafale de tir et des bâtards ont couru. C'est nous les méchants, fils de pute, on a tout vu. Garde à tout dépôt, et quand y'a des cendres de favo, les types balancent des pavés. Mais quand y'a des cendres de favo, les types balancent des pavés. Chinois, non. Comme un vrai charo, je déploie mes ailes. Charlie Delta Commando.